walking on it at night, it seems so hard. Working on it the next day, they forgot to stop. Voilà, voilà, c'était chance. Vous avez du pot à pot. Oh là là, t'es ton. Allez, cassez-vous là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Allez, hop. Je peux parler un petit peu, oui. Eh bien oui, ça fait une heure que ça dure, que j'étais emprisonné, bâillonné, pas moyen de pouvoir parler avec cette bande d'olibrius. Oui, oui, vous inquiétez pas, vous êtes bien sûr en borne à part, il est 10h49, c'est bien l'émission du rock progressif que vous attendez tous, le 15 de chaque mois, je sais on est le 19, aux alentours du 15 quoi, mais ne cherchez pas la rogne, sinon ça va barder. On va continuer, bon an mal an, je vais me reposer un petit peu, les boire un coup pour me remettre de mes émotions pendant Endless Tears. C'est pas franchement progressif, c'est pas franchement hard, c'est pas franchement new wave, c'est un peu tout ça. Vous allez voir, c'est assez sympathique, c'est un groupe de Dijon qui nous a envoyé cet album et ça décolle bien même si les claviers sont singulièrement absents. Endless Tears, c'est-à-dire les larmes sans fin sur Bande à part et le 90.7. Les journalistes de rock'n'folk, c'est bien connu, sont des bourlingueurs, avides de grands espaces et de bitume poussiéreux. Rock'n'folk a donc le plus logiquement du monde ce mois-ci pêché le Fest No More nouveau à San Francisco pour le tournage de leur vidéo, ramené quelques clichés de Bristol avec Radiohead dans les idées, joué à l'Elastica, Philadelphie, succombé à l'appel de Londres lancé par les Stone Roses et enfin, plus proche de nous, découvert Panam, vision MC Solar. Également ce mois-ci dans Rock'n'Folk, plus de 1086 concerts annoncés en France et ailleurs, ainsi que 50 nouveautés discographiques écoutées, distillées et chroniquées. Oui, parfaitement, Rock'n'Folk a fait tout cela pour vous, et mieux encore, il le fait pour seulement 26 francs. Rock'n'Folk, toujours en vente libre. On reprend donc le cours de notre émission, on est émission du mois de mars, bande à part l'émission du rock progressif. Comme chaque mois, j'ai toujours à cœur de vous faire gagner des petits cadeaux progressifs pour vous faire découvrir ce monde absolument féerique, on se croirait chez Disney, dirait l'autre, du progressif. Cette semaine, ce mois-ci, il y a des places de concert, et oui, voilà, on fait pas dans la dentelle, carrément la grande promotion. Voilà, Bande à part et Acid Dragon. Acid Dragon, vous connaissez, c'est le magazine lyonnais de progressif. Et Bande à part, bah, c'est ce que vous entendez actuellement, bande d'andouilles. Oui, donc Acid Dragon et Bande à part vous offrent, il y a à peu près une vingtaine de... Oh, pas tout à fait, une douzaine de places de concert gratuitement. Il suffit de m'appeler pour aller voir John Wesley. John Wesley, vous vous rappelez, en tout cas les fans, les fidèles, les curieux, les amateurs de bonne musique sophistiquée, eh bien se rappellent que c'était la première partie fort réussie de Marillion lors du dernier concert, lors de la tournée de Brave. John Wesley est parmi nous au courant mars sur un bateau, et oui, il est bien pas en bateau, je pense pas pour lui, parce que d'Angleterre ça ferait long. Non, mais il sera sur la... Marquise. La Marquise est une péniche qui est amarrée sur le Rhône, aux alentours des facs, à peu près à ce niveau-là, qui est Victor au gagneur. Voilà. Et le 30 mars à 22h30, le 30 mars, c'est un jeudi, pas ce jeudi-là, l'autre, à 22h30, votre humble serviteur sera présent avec son bazar habituel progressif, et surtout, vous pourrez reconnaître et apprécier John Wesley, voilà, en acoustique. Eh bien, je vous propose des places, une invitation pour deux personnes. Il faut m'appeler, il faut répondre quand même à une petite question, parce que je veux pas brader ça. Je veux que ce soit des gens motivés qui aillent ce concert et non pas des clampins curieux qui viennent juste pour voir si on peut pas faire la bamboula. Au 78 89 45 05, 78 89 45 05, vous me dites, s'il vous plaît, quel est le nom ou quel était le nom du premier chanteur de Marillion. Marillion, un premier chanteur charismatique à souhait qui continue une brillante carrière solo. Je veux savoir le nom de ce bonhomme. Voilà, vous verrez qu'il y a une connexion intime avec le lieu du concert. Voilà, appelez vite, il n'y aura pas pour tout le monde. Et pour vous donner un petit aperçu, une envie d'aller voir notre ami John Wesley, eh bien je vous propose un premier extrait de son album qui est sorti donc l'année dernière, un album qui s'intitule Under the Red and White Sky. Voilà, c'est super, moi j'aime beaucoup. Petit post-scriptum, les musiciens de Marillion jouent sur cet album. Allez vite, 78 89 45 05 pour apprécier ce concert qui est, je le précise, organisé par le club Hard Rock. Roger Coucou, bonjour. Comme on est paradin sur Bande à part, on vous propose un deuxième extrait avec un superbe solo de Steve Rothery. Vous savez, le gars à la guitare qui joue dans Marillion. Oui, ça y est, ça sonne, c'est pour le concours. Oui, alors donc, je continue avec 13 Days sur le 90.7 et c'est toujours John Wesley. Child, light in your arms, and you hold me, the fire in your eyes, saw the bleeding, love in your heart, kept me breathing. I feel I'm dying again. I've got nothing but hatred for my lover and friend. The line in your eyes watches me screaming. The cold in your heart keeps my blood freezing. 13 days before you left me here staring. 13 days before you try to stop caring. Stare into the dark, the emptiness of hell that comes to enfold me. Take a long look, it's your sweet creation. Did you get a thrill to watch my heart breaking? 13 days before you left me here standing alone. 13 days before you left me to die on the phone. 13 days before you left me here standing alone. 13 days before you left me to die on a phone. I cannot pretend, I can't find an end. Oh, I miss you. I was your lover and you were my friend. I pray to God I never see you again. Well, I was your lover and you were my friend. And I pray to God I never see you again. C'est la vie de bohème. Non, on remet ça, hein, c'est trop joli. Allons-y. Allez, chef. 1, 2. C'est la vie de bohème, la vie sans façon, la vie de garçon, la vie de patapatachon. C'est la vie que l'on aime quand on a 20 ans, mais que nous venons plus longtemps. Nous n'avons pas de galette, mais qu'est-ce que ça fout? On fait des dettes partout, partout, et on chante quand même la nuit et le jour. Vive la bohème et l'amour. Allô, allô, allô, allô la Terre, oui, ici c'est John Wesley, voilà, je serai en concert le jeudi 30 mars à 22h30 sur une péniche qui s'appelle la Marquise, qui est à Marais, sur le Rhône, au niveau des facs, sur le quai Victor Augagneur, et je vous invite à ce concert. J'étais en première partie de Marais-Lyon, et j'invite deux personnes, et oui, le papa et la maman, le monsieur et la dame, ou les messieurs et messieurs, ou les dames et les dames. Pas de problème, je vous invite, il suffit de m'appeler au 78 89 45 05 et me dire quel est le nom du premier chanteur de Marilyon. Voilà, Marilyon est un tout premier chanteur, le plus connu, j'allais dire, le plus charismatique, j'allais dire, aïe aïe aïe, je me trahis. Voilà, qui continue une carrière solo, comment s'appelle ce bonhomme? C'est d'un facile, c'est à mourir. 78 89 45 05, deux places. C'est parti, vite vite, il n'en reste plus beaucoup. On continue notre petit bonhomme de chemin, notre émission du mois de mars, avec un groupe suédois, Darkstar, un groupe qui est le clone, le cousin, le fan d'O'Queen. C'est du O'Queen, c'est pas pour me déplaire, vous connaissez mes manies, mes vieilles manies, nom de Dieu. C'est franchement bien, vous allez voir, ça décolle, on dirait vraiment du O'Queen, grande époque. Voilà, ça c'est arrivé sur nos téléscripteurs à Sea Dragon, et c'est un groupe en plus bien sympathique, très rigolo, qui se prend pas du tout la tête. Pas du tout la tête. C'est assez rare pour le noter. Darkstar. We'll be right back. Le Café Musique et Brume vous invite le jeudi 30 mars à découvrir en avant-première le sixième et nouvel album des Frenchy Roadrunners. Une formation pour qui enfanter d'un nouvel opus discographique ne pose aucun problème puisqu'il suffit pour cela de graver ma chose à taper, son sang à verser sur une tombe, Man a choisi une cassette, fils à chanter un couplet. Technique simple mais efficace et qui semble avoir fait ses preuves, à découvrir le jeudi 30 mars à 20h au Café Musique. Même lieu, même adresse, mais changement de date et de décor avec le vendredi 31 mars, soirée DJ manger des pom-pom pour rester en forme. DJ pom-pom, émule de Philippe Corti et de ses délires, mais toujours autant boudé par Charlie Sheen, préférant les plaisirs insoupçonnés, à peine voilé de la mini-jupette plissée des pom-pom girls. Attraction plutôt craquante de tout match de football américain qui se vaut. DJ pom-pom en soirée au Café Musique à partir de 20h le vendredi 31 mars, et ce pour une longue nuit, ça va de soi. Allez va, comme je suis bon prince et qu'il me reste encore un certain nombre de places pour ce concert de John Wesley, je vais poser une question plus facile qui est en fait un peu la réponse de la première question. Vous pouvez pas répondre, c'est que vraiment vous écoutez pas l'émission. Vous l'avez pris en cours de route ou alors, comme un éditeur vient de le faire à l'instant, vous êtes en voiture et vous êtes obligé de vous arrêter in extremis vers une cabine téléphonique. Merde, c'est pas une pièce, c'est à carte et j'ai plus de carte. C'est embêtant, et pas de café dans le coin. Bref, j'arrête mon baratin. Voilà, pour gagner donc une invitation pour deux personnes au concert de John Wesley, on écoutera encore un extrait tout à l'heure, concert organisé par l'ami Roger, vous savez bien, celui qui travaille à la FNAC, qui s'occupe du rayon hard. Séquence pub, salut Roger. Donc, pour gagner une invitation de deux personnes, il en reste encore quelques-unes, elles ne sont pas toutes parties, vous me dites, Fiche, oui, Fiche, vous connaissez, eh bien, a chanté dans un groupe de progressifs avant d'entamer sa carrière solo. Lequel ? 78 89 45 05, 78 89 45 05. Dans quel groupe est-ce que Fiche a-t-il chanté avant d'entamer sa carrière solo ? Ça n'a absolument rien à voir. Ça s'appelle Cast, c'est mexicain. C'est une découverte de la Prog Fest, on ne rit pas. Vous savez, ce méga concert festival progressif qui a eu lieu en novembre de l'année dernière à Los Angeles. Et donc, nos envoyés très spéciaux de la compagnie Musea ont découvert un stock. C'est pas un stock en fait, ont découvert un groupe mexicain qui a en stock 3 albums déjà. Voilà, un groupe mexicain qui existe depuis un certain temps, qui, malgré une ultra-confidentialité, oui, je l'ai dit, sans bégayer, eh bien, a sorti 3 albums superbes. Je vous propose le tout premier, Landing on a, je regarde vite mon papier, Serious Mind, voilà. C'est édité sur un tout petit label à eux, c'est une autoproduction, en d'autres termes. C'est distribué exclusivement chez Musea, 68 Latin Shot 57 117. Ton fait, voilà, que je fais comme Nagui. Voilà, et je vous propose tout de suite un morceau, un extrait, j'ai assez blablaté. Place à la musique, Cast, C-A-S-T, c'est mexicain et c'est bien intéressant. Thank you. lady that I see sometimes. But it's so sad that she's not always available.